Je suis pas militaire, c'est la faute à Voltaire. Je bosse pas au Comico, c'est la faute à Rousseau. Je suis pas dignitaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis pas politico, c'est la faute à Rousseau. Je bosse pas comme infirmière, c'est la faute à Voltaire. Je suis pas marchand de journaux, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas caissière, c'est la faute à Voltaire. Je suis pas cheminot, c'est la faute à Rousseau. Même pas intérimaire, c'est la faute à Voltaire. Encore moins chez McDo, c'est la faute à Rousseau. Je veux pas de salaire, c'est la faute à Voltaire. N'y trouver du boulot, c'est la faute à Rousseau. Autant tuer ma mère, c'est la faute à Voltaire. Et crever dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. La gueule ouverte par terre, c'est la faute à Voltaire. Et la peau sur les os, c'est la faute à Rousseau. Si vivre est un enfer, c'est la faute à Voltaire. La vie est un cadeau, c'est la faute à Rousseau. Nous ont fait père et mère, c'est la faute à Voltaire. La terre et les oiseaux, c'est la faute à Rousseau. Merci la vie d'être si belle. Merci les fleurs, merci les oiseaux.